dans toutes les pièces, mais déjà apprécié par plusieurs têtes. ZIMK le méconnaître, mais pas assez pour 1200 unettes. Je dois faire preuve de présence, quitte à la mettre à cette institution ou à ces mecs qui rêvent mon exécution ou de ma sentence. T'inquiète, je suis gavé de munitions, c'est loin d'être la peau des hausses, mais bel et bien le début d'une mission. Sur ma pochette, tu verras pas de rose, mais peut-être bien un truc qui donnera des frissons. Y'a que sur une instru, je me pose dès que j'éprouve des sensations. Et quand ma voix se superpose, ça fait un truc trop façon, un truc original qui me fait perdre la raison. Et y'a que les vrais qui me disent, hey, tu fais trop mal, continue ta raison. Chala, tu fais de l'oseille et tu fais croquer les gibchons. T'inquiète pas, poteau, 18 c'est mon ancêtre. Je représente tous les départements de France, en particulier celui du centre. Tous ces gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui m'ont permis d'y croire et de tenter ma chance. Je représente tous les départements de France, en particulier celui du centre. Tous ces gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui m'ont permis d'y croire et de tenter ma chance. Cousin, j'ai fait un tube pépère pour le ghetto, parce que chez moi c'est vrai que c'est super, mais y'a pas de boulot. Nique sa mère la misère, chez nous y'a du pilon, donc fais tes affaires et exploite le filon. Dès le matin au 4-4, nous on n'est pas des feignants. Demande à Fat, Fat d'en faire un bien fumant dans la galerie ou derrière le volant. On n'est pas des vilains, dédicace les minots qui font leurs affaires, remplir le frigo de leur mère sans aucun culot. Et si les temps sont durs, mais on se laisse pas couler. Nique l'État et ses procédures, qu'ils aillent se faire enculer. J'suis le virus dans leur disque dur, on rêve tous d'un futur plus sûr. Donc la censure, fais croquer et envoie l'ascenseur pour un avenir meilleur proposé à nos petits frères et sœurs. Je représente tous les départements de France, en particulier celui du centre. Tous ces gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui m'ont permis d'y croire et de tenter ma chance. Je représente tous les départements de France, en particulier celui du centre. Tous ces gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui m'ont permis d'y croire et de tenter ma chance. Aujourd'hui ce qui m'arrive est fatidique, car tout se mérite. J'ai pas tapé aux portes pour gratter des filles. J'ai toujours les mêmes potes et j'ai toujours pas baissé mon pute. C'est pas de ma faute si à travers mes textes je raconte pas de la flûte. Je rappe B-O-U-R-G-E-S, département du Cher. Tous ces mecs de test qui me sont chers, je suis pas passé par la Easter Academy ou la Popstar. Je m'ajoute pas comme Camini avec un style de feu champetta. Question d'écrire des textes, je m'ajoute couche tard et défonce tout à l'arrivée comme David Coutard. Garde la concurrence avec des lyrics assaisonnés à la moutarde. Chez nous on prend des risques, dédicace les mecs au mitard. Ceux qui gèrent les motos sans être sortis d'une école de motards. Ceux qui se reconnaissent quand je parle de poteaux, pas les mythos qui dépinent sur mon dos. Bande de bâtards. Je représente tous les départements de France, en particulier celui du centre. Tous ces gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui m'ont permis d'y croire et de tenter ma chance. Je représente tous les départements de France, en particulier celui du centre. Tous ces gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui m'ont permis d'y croire et de tenter ma chance. Ouais gros, pour tous les quartiers de Bourges, Cap Nord, rassemblement de barges, les mecs hardcore avec qui tu peux taper des barres, les mecs qui squattent les bars, qui se laissent pousser la barre, ceux qui poussent des barres, toujours chaud pour bébard, en caisse ou en deux roues, toujours on bombarde. Code postal 18 000, département plein dans le mille, c'est ma ville. Et t'es comme ça, y'en a pas mille. Viens faire un tour, mais un des communes, c'est INK, c'est la famille.